Phonétique. Activité 9. 1. C'est beau, mais non, pas pour moi. 2. Ah, c'est superbe. 3. Ah, ça c'est très bien. 4. Oh non, c'est pas possible. 5. Oh non, pas du tout. 6. Je trouve ça pas mal. 7. Sympa, hein? 8. Ouais, non.